Qu'à la folie, et cet amour te plaise bien. Des mots de bonheur dansaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs, et pourtant que m'est-il resté de tant de rêves?